C'est fou, 89 ans. Il est méchant, le vigile de la COP, le vigile de la COP est méchant. Bonjour et bienvenue à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et toutes les semaines, on compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage requis. Cette semaine, c'est la chronique CNX de la semaine du 18 janvier qu'on va compresser, celle sur le spécial CES avec Sylvain Ricard. Ça va être dans quelques minutes. On va aussi avoir plein de musique, de jeux vidéo. Ne vous en faites pas avec ça, il y en a plein qui s'en vient. D'ailleurs, on va commencer par une pièce de Danger. Elle s'appelle 4h30, 4h30, hein? C'est une pièce, en fait, qui sort aujourd'hui même en vinyle. C'est un maxi qui sort. Et puis l'étiquette Éclairochoc va sortir une version numérique à partir du 1er février. Donc, allez vous procurer ça en passant par le lien sur le www.assemblagerequis.com. Donc, tout de suite, voici Danger avec 430 à CNX.zip sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Lucky Strike.com. We'll be right back.

un côté joie-haine, si je peux dire. Là, on a hâte d'y aller, mais on sait qu'on va souffrir. Faut des bonnes smells, Dr. Holmes. Oui, et du talc aussi peut être très utile. Ah ouais. Et du purel aussi, parce que ça touche beaucoup de choses. Ben, le bon côté du H1N1, personne n'avait la grippe cette année. Ah, contrairement à, c'était quoi, à l'E3 l'année passée, je pense qu'il y avait comme une épidémie de tout le monde a pogné la grippe à l'E3. Bref, les foires comme ça, il y en a, et la CES est une des plus importantes pour les gadgets. Donc, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui, Sylvain Ricard. Ah, de rien. On se reverra peut-être. On vous réinvite quand vous voulez venir nous parler de ce que vous voulez. Hey, si jamais je vais au CITEC, je vous en reparlerai. Oh! Hey, toutes les foires vont être couvertes un jour par cet homme. Non, on va faire travailler. Notre envoyé spécial. Oui, notre journaliste, notre accrédité. On l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. C'était Sylvain Ricard qui couvre le CES, le Consumer Electronics Show. Dans la chronique CNX. C'était la chronique de lundi dernier sur le Consumer Electronics Show avec Sylvain Ricard, et c'est la seule et unique chronique CNX qu'il y a eu la semaine dernière dans l'assemblage requis. Donc vous êtes à CNX.zip où on compresse ces chroniques technologiques, et d'ici la fin de l'émission, il va y avoir plein d'autres musiques de jeux vidéo ou inspirées par les jeux vidéo, ce qu'on appelle en général du chiptunes. Mais avant ça, parlons un petit peu des nouveautés en magasin pour la semaine du 24 janvier 2010 en termes de jeux vidéo. Mass Effect 2 sort sur PC, c'est un jeu de rôle. Tatsunoko vs Capcom Ultimate All-Stars, un jeu de combat, sort le 26 janvier, c'est-à-dire demain. MAG sort aussi demain, MAG ça veut dire Massive Action Game, ça sort sur la PlayStation 3, c'est un shooter à la première personne. No More Heroes 2 Desperate Struggle, un jeu d'action, ça sort demain. Shadow of Destiny sort aussi demain, c'est un jeu d'aventure. Hotel Giant 2, c'est un jeu de stratégie, ça sort après-demain. Blood Bowl, c'est un jeu de sport alternatif. En fait, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Warhammer. Ça sort demain, ça aussi. Legend of Kay sort aujourd'hui, c'est un jeu d'action-aventure. Horrible Histories, Ruthless Romans, sort sur la Wii et la Nintendo DS, c'est un jeu d'aventure, ça sort demain. C'est basé sur une série de livres qui se vendent très bien. Il y a au-dessus de 30 mini-jeux là-dedans. Fast Food Panic sort demain, c'est un jeu de stratégie où on s'occupe d'un restaurant de luxe, c'est un jeu de simulation. The Last Case of Sherlock Holmes, Volume 2, c'est un jeu d'aventure qui regroupe 16 nouveaux crimes irrésolus de meurtre, de vol, de kidnapping. Legend of Raz sort le 28, c'est un jeu d'aventure. Playmobil Knights sort sur Nintendo DS le 29, c'est un jeu d'action. Aha! I found it! Hidden Object Game. Donc un jeu d'objets perdus, cachés. Ça sort sur la WiiWare aujourd'hui même. Et finalement, Beatles Plus sort sur WiiWare aussi. C'est un puzzle où on vous demande de prendre le contrôle d'une variété de formes en guidant, en tournant et en les plaçant pour les arranger correctement pour construire des beaux petits carrés joyeux et heureux. Voilà. Donc, un puzzle Beatles Plus. Ça m'intrigue, ça. J'ai pas mal envie d'aller voir des vidéos de ça, moi. Ça, c'est les nouveautés qui sortent en magasin pour la semaine du 24 janvier 2010. Après la pause, il va y avoir encore plus de musique de jeux vidéo, mais on se quitte pour l'instant avec un petit peu déjà de musique, et celle-là basée sur Mario. Ça peut pas être pas bon, hein. Voici Tonendo et Bowser's Castle. Ah, c'est fou! 89 FM, CNX.zip. www.lutte.com. Tu me prends pour un imbécile, hein? Un sale gars! C'est fou, c'est malade. C'est malade. 89. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Bon, vous êtes toujours à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio et l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage requis du lundi au jeudi entre 15h et 17h avec moi et K1. Étrangement, on a déjà fait le tour des chroniques de la semaine dernière parce qu'il y en avait juste une. Hein, c'était celle de lundi. Donc, pour le reste de l'émission, on va passer ça en musique. Et tant qu'à avoir le temps, mais je me suis dit, pourquoi ne pas écouter les deux pièces les plus appréciées par les visiteurs du site 8bitcollective.com, un très très bon site de musique de jeux vidéo ou inspiré par les jeux vidéo. Donc voici tout de suite le grand numéro 1, c'est Saber Pulse avec Outbreak au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles! We'll be right back. La deuxième pièce la plus aimée sur 8bitcollective.com, c'est Weekland avec Malmin et la pièce Rabbit Outfits XM. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Et avant ça, c'était le numéro 1 sur 8bitcollective, l'artiste Saber Paul, c'est la pièce Outbreak. Bien aimé ce petit bloc-là, moi. Ben honnêtement. Prochain bloc musical ici dans CNX.zip, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chroniques la semaine passée, il y en avait une, donc on passe plus de temps à écouter de la musique de jeux vidéo, et moi j'apprécie particulièrement, je ne sais pas pour vous autres. Tiens, donc on va passer à un bloc de comparaison avec le jeu Game Boy Robocop. Hein, on va commencer par écouter de quoi avait l'air le thème de Robocop sur Game Boy dans le temps, on est trop au complet par contre. Donc ça, c'était la première minute de la chanson thème du jeu Robocop sur Game Boy dans le bon vieux temps. Donc, il y a un cover qui a été fait par l'artiste Joey Classic. On va tout de suite aller l'écouter. Voici la pièce Robocop GB Title Track. Hein. Lui, tant qu'à se trouver un nom de pièce, prenons l'évidence, chanson thème du jeu Robocop sur Game Boy par Joey Classic à CNX.zip. L'artiste Joey Classic et RoboCop GB Title Track, c'est un cover de la chanson thème du jeu RoboCop sur Game Boy. Oh, ça fait longtemps ça, ça fait très très longtemps. Avant de continuer avec encore un petit peu de chiptunes, juste avant de se laisser d'entrer dans le dîner de cons, on regarde un petit peu ce qui se passe côté jeux vidéo, hein, parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont très très populaires sur GameSpot.com, on en parle sur ce site-là. Donc il y a des jeux qui soient sortis ou non. En cinquième position, Lost Planet 2 sur Xbox 360, ça sort le 4 mai 2010. En quatrième, Mass Effect 2 sort le 26 janvier, donc demain. Mm-hmm. En troisième, sur PC, Dragon Age Origins, c'est coté 9.5, c'est choix de l'éditeur sur GameSpot.com. En deuxième, Resident Evil 5 Gold Edition sur PlayStation 3, ça sort le 9 mars prochain. Et le numéro 1 d'aujourd'hui est Mass Effect 2 sur Xbox 360, ça sort demain. Donc, des jeux très populaires sur GameSpot.com. Côté web maintenant, en cinquième position de la toile du Québec, les mots-clés les plus recherchés la semaine dernière, ça descend, c'est Horoscope. En quatrième, ça monte, l'Auto-Québec. Et le reste est stable. En troisième, les packs. En deuxième, Hotmail. Et en première, le jeu le mot-clé le plus recherché sur la toile du Québec est Facebook. Tiens, continuons avec de la musique qui vient du jeu Contra 4 sur Nintendo DS. Un album remix vient tout juste d'être présenté sur rockedandloaded.com. Donc, rocked, E-D à la fin, puis la lettre N et loaded.com. Là-dessus, ben, c'est ça, c'est des remix. C'est par des gens de la scène des remix genre metal rock, si on veut. Donc, on va entendre quelques extraits de ça tout de suite à CNX.zip. C'est l'émission la plus geek de la radio. C'est un genre, hein? C'est la trame sonore de Contra 4 sur le Nintendo DS. Oui, qui s'appelle Rocked and Loaded, vous l'avez entendu. C'est violent, je trouve. Allez sur rockedandloaded.com pour précommander l'album qui coûte en ce moment 12 $ canadiens. Pour ceux que ça intéresse, c'est un genre de musique, ça. C'est déjà pas mal la fin de CNX.zip. En fait, on se quitte déjà pour une autre belle semaine de chroniques qui auront lieu dans Assemblage requis. Soyez à l'écoute du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Je vais animer Dîner de con avec André dans quelques minutes, alors je reste avec vous. On va se quitter sur une pièce qui passe un petit peu inaperçue, je dirais. C'est le site oneup.com dans leur blog Chiptune qui en parlait très récemment. Si on parle de Dr. Mario, le jeu, les gens se rappellent souvent de Fever, de Chill ou de la chanson thème du jeu, mais très peu de gens jouent au mode l'un contre l'autre. Et il y a un thème qui a lieu quand on gagne, trois rondes dans un match à deux joueurs. Ça s'appelle Versus Mode Victory. On va se quitter sur cette pièce-là qui date de 1990 dans le jeu Dr. Mario. Et on se retrouve dans quelques minutes dans Dîner de con. Bye bye.